quel intérêt pour un fournisseur d'énergie d'inciter ses clients à consommer moins ? L'intérêt général. Chez Plume Énergie, nous savons qu'il est urgent d'accélérer la décroissance énergétique. Alors, nous faisons tout pour que nos clients dépensent le moins possible notre énergie, pourtant 100% verte et 100% française. La décroissance énergétique, pour certains, c'est le monde à l'envers. Pour nous, c'est le monde de demain. Plume Énergie. Verte, locale, d'intérêt général. L'énergie est notre avenir, économisons-la, vraiment. Il y a tout juste 200 ans, Hans Christian Ørsted, en rapprochant une boussole d'un fil métallique branché sur une pile, ne se contentait pas de poser le premier jalon de ce qui allait devenir dans les années suivantes, après Ampère, Faraday et Maxwell, la théorie de l'électromagnétisme. Il engageait sans le savoir ce qui allait devenir la grande geste de la physique du XXe siècle, l'ample et ambitieux mouvement d'unification des forces. Après lui, Einstein, qui unifiera le temps et l'espace, puis les quanticiens, qui réduiront le nombre de forces élémentaires à 4. Et avec aujourd'hui le casse-tête de l'impossible quantification de la gravité, la physique veut tout unifier, mais pour quelle raison en fait ? Expérience d'Ørsted, 1 plus 1 égale 1, c'est le programme unificateur qu'elle note pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Vous le savez, depuis la rentrée, nous prenons le temps le jeudi, de temps en temps, un jeudi par mois en général, d'examiner des grandes notions des programmes scolaires, autant en physique qu'en biologie ou en chimie. Après l'atome de Bohr au mois de septembre, nous nous attaquons donc aujourd'hui à l'électromagnétisme et à cette notion d'unification en physique via l'expérience d'Ørsted. Et pour parler de cette expérience, comment elle ouvrit à la voie, disons d'une certaine façon, à toutes les unifications suivantes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Christine Blondel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse CNRS en histoire des sciences et au centre Alexandre Coiré et une voix familière de la méthode scientifique que nous sommes ravis de retrouver pour cette nouvelle saison. Bonjour Marc Lachaiseret. Bonjour. Directeur de recherche CNRS en astroparticules et cosmologie à l'Université de Paris et co-auteur avec le camarade Étienne Klein de La quête de l'unité. C'est chez Albin Michel ou en poche au livre de poche. Mais on commence avant tout par unifier l'actualité des sciences avec Natacha Triou pour le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. On commence avec cette étude parue aujourd'hui dans la revue Astronomy and Astrophysics avec la détection d'un gigantesque trou noir supermassif extrêmement ancien. Oui, c'est un trou noir supermassif de très gros volume qui représente 1 milliard de fois la masse du Soleil. C'est quasiment la masse d'une petite galaxie. Par comparaison, Sagittarius A étoile, le trou noir au centre de notre Voie lactée, fait environ 4 millions de masses solaires. Alors c'est grâce au Very Large Telescope que cette équipe internationale a fait cette nouvelle observation. Avec cette étude, on remonte jusque dans les premiers temps de l'univers, quand les galaxies ont tout juste commencé à se former, alors que l'univers n'avait pas 1 milliard d'années. Ce qui est nouveau aussi avec ce trou noir, c'est qu'il est entouré de filaments cosmiques et de 6 galaxies. Selon les auteurs, c'est l'environnement direct du trou noir qui lui a permis de s'alimenter et de grossir, ce qui éclaire, en partie, les mystères de la formation des trous noirs supermassifs. Michel Marcelin est directeur de recherche émérite au CNRS, au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Alors, une des idées pour expliquer la croissance des trous noirs, c'est que on part de trous noirs, de petits trous noirs, enfin relativement petits, disons quelques milliers ou millions de masses stellaires, et qui ensuite vont s'agréger, se rassembler pour grossir un peu plus. L'autre hypothèse avancée, c'est que les trous noirs, s'ils sont dans un milieu qui est encore riche en gaz, ce même gaz qui peut servir à former des étoiles, mais avant cela, avant de servir à former des étoiles, il peut aussi se faire absorber, se faire aspirer en quelque sorte par un trou noir qui du coup va grossir et devenir très gros. C'est, on pense, le cas de ce trou noir supermassif. On pense qu'il a la chance de s'être trouvé dans un milieu très riche en gaz, ce qui était le cas au début de l'univers, et donc il a pu comme ça grossir par accrétion de matière en attirant à lui par la gravitation, cette matière qui était autour de lui. Alors, ce qui est important dans la découverte qui vient d'être faite, c'est qu'on se pose depuis longtemps la question de la formation des trous noirs supermassifs. Et là, on a un trou noir qui est visiblement entouré de plusieurs galaxies. On a décompté 6, mais il y en a certainement d'autres plus petites qui n'ont pas été détectées et qui sont autour de lui. Et en tout cas, ça laisse penser qu'elles vont se faire avaler par ce trou noir qui va grossir encore plus. Donc, on a là vraiment une explication plausible, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a des galaxies qui se sont formées dans l'univers, elles ont pu, avant d'être séparées par l'expansion de l'univers, tant qu'elles étaient assez proches les unes des autres, se réunir, se regrouper et terminer leur vie au cœur d'un trou noir qui n'a cessé de grossir. Voilà, je vous proposerais bien de retrouver... Ah, apparemment c'est en train de revenir, de retrouver les études postées sur notre fil Twitter, mais apparemment Twitter est en train de vivre une petite mauvaise passe en ce moment, donc écoutez, essayez de vous connecter si vous pouvez, c'est toujours être la méthode FC. On passe au bref. À partir du 1er janvier prochain, en 2021, il faudra payer un forfait fixe pour un passage aux urgences. Oui, jusqu'à présent, un passage aux urgences n'est déjà pas tout à fait gratuit. On délivre au patient un ticket modérateur pour le laisser régler 20% du coût de ses soins. Si vous n'avez pas d'assurance complémentaire à votre charge, ces frais peuvent s'avérer élevés. Le nouveau projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLESS, a été présenté hier pour réformer la tarification des urgences. Il prévoit donc pour janvier 2021, un forfait patient urgence pour toute personne qui ne nécessite pas d'hospitalisation. Le prix de ce forfait fixe sera prochainement défini par arrêté. Selon une étude parue dans The Astronomical Journal, le système solaire aurait deux plans d'alignement orbital. Dans notre système solaire, les planètes sont plus ou moins alignées sur un plan plat qui encercle l'équateur du Soleil. Ce plan orbital, c'est ce qu'on appelle le plan de l'écliptique. Ce serait un vestige de la formation du système solaire. Mais la trajectoire des comètes de longue période suggère que d'autres forces externes influencent leur mouvement. Selon les nouveaux calculs analytiques de cette chercheuse japonaise, ces comètes migrent sur un second plan orbital, incliné à 120 degrés, un plan de l'écliptique vide. Ce plan aurait pu être généré par la marée galactique, par les champs gravitationnels de notre galaxie elle-même. Et c'est aujourd'hui que commence l'opération Octobre Rose. Et depuis 1985, Octobre Rose cherche à sensibiliser et à soutenir la recherche autour du cancer du sein. Chaque année, le cancer du sein touche près de 59 000 femmes, une femme sur 8. Il reste la première cause de mortalité par cancer, avec plus de 12 000 décès. L'association Ruban Rose le rappelle donc, plus le cancer est dépisté tôt, plus les chances de guérison sont élevées. C'est pourquoi il est important de faire les dépistages proposés gratuitement tous les 2 ans aux femmes de 50 ans à 74 ans. Cependant, avec la pandémie de Covid-19, l'Institut National du Cancer craint que les dépistages prennent du retard. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine et le journal de la science-fiction. À demain. C'est un sentiment merveilleux que de reconnaître la possibilité d'unifier un complexe de phénomènes qui, pour l'expérience directe des sens, apparaissent comme des choses tout à fait séparées. C'est une lettre d'Albert Einstein à Marcel Grossmann, datée du 14 avril 1901. Mais que se passe-t-il donc avec la physique? Quelle est cette hubris qu'a cette discipline de vouloir à tout prix tout unifier, à vouloir aboutir à une théorie du tout où la réalité de l'univers entier pourrait être appréhendée avec une loi unique et totipotente? Les physiciens souffriraient-ils, contrairement à leurs collègues biologistes ou chimistes par exemple, d'un complexe prométhéen particulièrement tenace? Toujours est-il que si on met provisoirement de côté Newton, cette volonté unificatrice des lois de la physique, on peut la faire remonter à une expérience qui a cette année exactement 200 ans, c'est l'expérience d'Oersted. Comme souvent dans l'histoire des sciences, la réalité navigue entre des récits devenus légendaires ou mythologiques et puis les simples faits, comme la pointe de Newton paraît donc, eh bien, par exemple, il y a donc la boussole d'Oersted, comme en témoigne notre archive du jour. D'après la première version, Oersted était en train de montrer à ses élèves les propriétés de la pile électrique et en particulier l'incandescence des fils métalliques fins. Par hasard, une boussole traînait sur la table à proximité des fils conducteurs et Oersted s'aperçut que la boussole déviait chaque fois que le courant circulait dans les fils. Quant à la deuxième version, la voici. Comme beaucoup de ses contemporains, comme vient de le dire M. Boutry, Oersted essayait de trouver un lien de parenté entre le magnétisme et l'électricité. Il avait posé une boussole à côté de sa pile et connecté un fil à chacun des pôles de cette dernière. Puis, il approchait successivement chacun des fils de la boussole, sans le moindre résultat, bien entendu. Alors, Il murmure « Je ne peux pas croire que la pile soit sans action sur l'aiguille aimantée ». Puis, songeur, il s'amuse machinalement à tirer des étincelles en frottant les fils l'un contre l'autre. Aussitôt, à sa stupéfaction, la boussole dévie. Quoi qu'il en soit, il fait paraître en juillet 1820 un mémoire rédigé en latin où il expose son étonnante découverte. Voilà notre archive de 1963. Alors, quelle est la réalité, quelle est la part de fiction dans cette légende de la boussole d'Orsted, Christine Mondel? Bon, alors la fiction, d'abord, c'est le hasard, bien sûr. Puisque Oersted a publié dès 1813, donc 7 ans avant sa découverte de 1820, un ouvrage dans lequel il exposait justement ses idées sur l'unification des forces dans la nature, de toutes les forces. L'électricité, le magnétisme, mais aussi la lumière, la chaleur et même le vivant. Et peut-être même l'esprit humain. Donc vous voyez, ça va loin. Quand je parlais d'hubris tout à l'heure, j'étais pas tout à fait loin ça de la vérité. Loin. Mais cette ambition, cette hubris, est-ce que Oersted était physicien? Je ne sais pas, à l'époque ça n'existait pas. Il était autant philosophe. Et cette hubris, je crois qu'il est, peut-être il est humain, tout bêtement. Hein. Parce que si on regarde les religions, est-ce qu'elles n'ont pas le même objectif? Bon, c'est une question qu'on peut se poser. Mais toujours est-il... On part très loin, on va aller vers ça tout à l'heure. Donc, et revenons à Oersted. Mais Oersted était philosophe. Il a fait sa thèse sur Kant, et pas du tout en physique ou en chimie. Il était très adepte de la, ce qu'on appelle la nature philosophie, c'est-à-dire la philosophie de la nature allemande. C'est inspiré par le romantisme. C'est le romantisme, hein, ouais, c'est le début du romantisme. C'est l'idée que l'homme et la nature forment un tout et que dans la nature, pour schématiser, il y aurait une force fondamentale, un phénomène fondamental qui permettrait d'expliquer tous les autres phénomènes. Mmh. Et non seulement de les expliquer, mais aussi de passer de l'un à l'autre. Et ça, cette idée, elle venait de ce qu'on appelle aujourd'hui des conversions. Par exemple, la lumière agit sur la chimie. Elle noircit les sels d'argent. C'est le principe de la photo autrefois de l'argentique. L'électricité peut aussi détruire les liaisons chimiques avec l'électrolyse. L'infrarouge, qu'on ne voit pas, peut aussi chauffer. Donc la lumière peut chauffer. Donc il y a des interactions déjà. On suppose qu'il pourrait y avoir des facteurs communs à tous ces phénomènes. On va observer ça et on va voir comment, pas à pas, on passe de la boussole d'Oersted aux équations de Maxwell et comment on fait cette première grande unification. Peut-être un mot, Marc Lachaiserais, sur votre opinion sur cette hubris de la physique. Le physicien, c'est la tentation prométhéenne de la grande unification, cette forme de tentation du démiurge. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je ne sais pas s'il faut le qualifier de cette manière. Mais ce qu'on peut constater, c'est que ça date d'avant la physique, puisque si on regarde les présocratiques grecs, par exemple Thalès au VIe siècle avant Jésus-Christ, Thalès avait l'ambition de tout ramener à l'action d'un seul élément, qui était l'eau. Et donc l'eau peut agir en se transformant en glace, en se transformant en vapeur, en exerçant un courant, etc. Donc voilà, l'idée de tout ramener à un seul élément fondamental, c'est une idée qui donc précède la physique. On peut quand même considérer que c'est peut-être le début de la démarche scientifique, sinon de la science elle-même, mais c'est une idée qui va subsister dans toute l'histoire de la physique aussi, puisque jusqu'à aujourd'hui, on cherche quels sont les éléments fondamentaux qui sous-tendent le contenu de l'univers, matière, rayonnement, particules, ondes, etc. Et en essayant bien sûr d'unifier tout ça. Et vous avez brièvement mentionné Newton tout à l'heure. Et évidemment, Newton, on peut dire que c'est un grand unificateur, puisque finalement, il va unifier la dynamique terrestre et la dynamique céleste en introduisant la gravitation universelle. Et quand on dit qu'elle est universelle, ça fait appel à cette notion d'univers qui est nouvelle, puisque jusque-là, on avait plutôt deux mondes, selon la conception aristotélicienne, le monde sublunaire, en gros la Terre, et le monde supralunaire, le ciel, où tout était décrit de manière très différente, aussi bien le contenu matériel que les lois des mouvements, la géométrie, etc. Et Newton va unifier tout ça en introduisant cette notion d'univers qui finalement est quelque chose d'à la fois unique et unifié et global. Et on ne va pas faire cette analyse ici, mais la physique, vraiment la physique moderne, prend naissance avec la notion d'univers, oui. Parce que c'est la notion d'univers qui justifie la notion de loi universelle, et on ne peut faire de la physique que si l'on n'énonce des lois qui sont universelles, et c'est cette universalité qui permet de vérifier la loi qui est valable ici est aussi valable sur la Lune ou dans les étoiles, et que si elle est valable aujourd'hui, elle est encore valable demain. Donc, par essence, je dirais, dans la physique, il y a une démarche unificatrice, universelle, mais en même temps, la physique ne fonctionne que parce que elle arrive à distinguer au sein de la matière des objets qui sont différents et qui obéissent à des lois différentes. Donc il y a ces deux aspects qui sont antagonistes et qui pourtant sont tous les deux essentiels à la pratique et à la compréhension de la physique. Un mot peut-être, Christine Blondel, avant d'arriver justement à Oersted. On dit à la fois de Newton, comme vient de dire Marc Lachaiseret, que c'est la première unification, et en même temps, quand on parle d'unification, on dit que Newton, c'est un petit peu à part. C'est-à-dire que finalement, le premier grand mouvement d'unification de la physique contemporaine, c'est tout de même l'électromagnétisme et Maxwell. Pourquoi est-ce qu'on sépare les deux? Oui, parce que la différence, Newton, il a unifié deux types de phénomènes différents avec une seule théorie. Ce qui s'est passé à partir d'Oersted, parce que c'est pas ce qu'a fait Oersted, mais ce qu'ont fait tous ses successeurs, c'est d'unifier deux types de phénomènes très différents, jusqu'alors considérés comme distincts, ce qui était le cas aussi pour la mécanique céleste et la mécanique terrestre, mais qui avaient des théories. Donc, il a unifié deux systèmes théoriques. Donc, c'est un échelon supérieur. Il n'a pas unifié seulement deux phénomènes, il a unifié les phénomènes et leurs systèmes théoriques dans un nouveau système qui englobe ces deux théories précédentes. Pour montrer que c'est le même, surtout. Voilà, et qui va créer d'autres phénomènes et d'autres théories. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons aujourd'hui de cette expérience d'Oersted qui va nous conduire à deviser joyeusement de cette notion d'unification en physique. Christine Blondel, d'abord pour commencer, qui est ce Hans-Christian Oersted? Vous l'avez un peu dit, mais qu'est-ce qui l'amène? Il a l'intuition, hein, on le sait dès le début, avant son expérience, qu'il y a quelque chose derrière ces phénomènes différents que sont l'électrostatique et la magnétostatique, et que ça se passe un peu, en fait il s'agit finalement du même phénomène, de l'extension du même phénomène. Oui, alors il a fait une thèse de philosophie, mais il a fini par devenir professeur de physique, ce qui était assez courant à l'époque. Et surtout, il a beaucoup travaillé avec des savants allemands du début du 19e, donc très marqués par la philosophie romantique, et qui étaient convaincus de cette unité des phénomènes. En particulier un chimiste qui s'appelle Ritter, qui avait essayé de montrer que, par exemple, je prends l'électricité et le magnétisme, et il l'a fait dans d'autres domaines, que si la Terre avait des pôles magnétiques, elle devrait aussi avoir des pôles électriques. Donc il a essayé de faire flotter une pile électrique à la surface de l'eau en cherchant si elle s'orientait, le pôle nord et les deux pôles de la pile, suivant le méridien magnétique, ce qui n'était pas le cas. Il a essayé de magnétiser des aiguilles avec des piles, il a essayé de faire toute une série d'expériences pour voir justement s'il y avait une relation entre électricité et magnétisme. Et il a fait une partie de ses expériences avec Oersted. Bon, ces expériences ont été complètement ridiculisées à l'Académie de Paris, puisque évidemment ça ne marchait pas. Et donc, le milieu de l'Académie des sciences de Paris, qui était dominé à l'époque par Laplace, le système du monde, le triomphe de la mécanique newtonienne, des mathématiques, pas d'hypothèses sous-jacentes, a rejeté toutes ces espèces de rêveries allemandes comme étant complètement en dehors du champ de la science. Donc Oersted était un peu considéré comme un marginal, ce qui va être le cas d'Ampère aussi après. Ce qui est intéressant, c'est que Marc Lachaiseret, alors Oersted, et ce sera important pour la suite, Oersted n'est pas mathématicien. C'est-à-dire qu'il a une intuition scientifique, mais qu'il va avoir du mal à traduire en formalisme. Oui, et ce sera un peu la même chose plus tard pour Faraday, qui va finalement trouver le phénomène réciproque. C'est-à-dire, on a d'une part l'action d'un courant électrique, enfin disons d'un champ électrique qui varie, qui engendre du magnétisme, et puis ensuite, il y aura l'action d'un magnétisme qui varie pour engendrer un courant électrique. Et c'est cette sorte de symétrie qui va aboutir à l'unification des deux entités, électricité et magnétisme, qui sera accomplie finalement par Maxwell, lequel va proposer des équations qui ont effectivement une très belle symétrie, et où l'on considère aujourd'hui que l'électricité et le magnétisme, c'est-à-dire le champ électrique et le champ magnétique, sont finalement deux manières de voir le même champ, disons le même champ spatio-temporel, qui est une unité qui a une existence vraiment réelle, alors que d'une certaine manière, électricité et magnétisme ne sont que deux projections de cette entité qui vit dans l'espace-temps. Et un observateur ou un autre vont voir la même réalité physique électromagnétique, mais l'un l'interprétera plutôt comme de l'électricité, l'autre plutôt comme de magnétisme, comme du magnétisme. C'est-à-dire, ce sont vraiment deux facettes d'une même réalité. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que les deux choses ont été unifiées, c'est-à-dire que du point de vue de la réalité physique, c'est-à-dire le phénomène lui-même indépendant de la manière dont on le regarde, l'électricité n'existe pas, l'électricité n'existe pas, le magnétisme non plus, seul existe l'électromagnétisme qui est vu plutôt comme électricité ou plutôt comme magnétisme par les autres, et c'est quelque chose qui va introduire, parce que ça ressemble beaucoup à la révolution relativiste, où, d'une certaine manière, dans les théories relativistes, l'espace et le temps n'existent pas. Seul existe une entité beaucoup plus globale qui s'appelle l'espace-temps, et tel ou tel observateur va voir quelque chose comme de l'espace que l'autre verra partiellement comme du temps, entre guillemets, ces notions de temps et d'espace devenant purement subjective, purement relative à un observateur, mais ne dénotant pas une réalité physique qui elle-même est beaucoup plus globale, plus unifiée, d'une certaine manière. On pourrait dire que l'espace et le temps sont des catégories qui disparaissent en s'unifiant pour engendrer une catégorie beaucoup plus globale qu'est l'espace-temps, de la même manière que magnétisme et électricité disparaissent finalement dans la version moderne qui sera post-Maxwell, qui sera le Maxwell relativiste, en devenant l'électromagnétisme. Ce qui est intéressant, c'est que ça, en plus, ça introduit, on y reviendra tout à l'heure, la position de l'observateur qui est déterminante pour qualifier effectivement un phénomène, et puis qu'on retrouvera évidemment jusque dans la mécanique quantique plus tard, mais on y reviendra. Peut-être un mot, Christine Blondel, vous le disiez, dès 1913, Oersted écrit un article pour prouver l'universalité, je le cite, des deux forces chimiques ou électriques et montrer qu'elles produisent aussi des phénomènes magnétiques. Qu'est-ce qui le conduit à faire son expérience? Comment est-ce qu'il aboutit à cette fameuse expérience de 1920? Comme il voulait vraiment prouver cette interaction entre électricité et magnétisme, il faut rappeler que à cette époque-là, en 1820, on avait deux types d'électricité. On avait l'électricité qui était produite par les machines à frottement, ce qu'on appelle aujourd'hui l'électrostatique, et l'électricité qui était fournie par la pile de Volta, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le courant électrique. Donc c'était deux formes très différentes d'électricité. Et dans le texte de sa découverte ou dans un texte ultérieur, il raconte que il choisit d'utiliser, comme le magnétisme, si le magnétisme était une forme d'électricité, c'est une forme, dit-il, latente, c'est-à-dire faible. Donc il va pas essayer l'interaction entre l'aimant et l'électrostatique, c'est-à-dire des décharges électriques avec une machine à frottement. Ça, on l'avait déjà fait au 18e, on n'avait rien trouvé. Et il va essayer avec la pile. Donc, son dispositif expérimental est très simple. C'est une pile, un fil métallique et l'aimant. Et en fait, il pense que le fil doit rayonner de la lumière, puisque quand un fil est chauffé, il devient rouge. Il rayonne de la lumière, de la chaleur. Et il pense que l'effet du fil doit être identique pour le magnétisme. C'est-à-dire qu'il place son aiguille perpendiculaire au fil. Et il pense qu'elle va s'orienter comme ça. Et en fait, il est très, très étonné de voir qu'en fait, l'aiguille, elle dévie non pas en direction du fil, mais perpendiculairement au fil. Et ça, c'était incompréhensible à l'époque. Et on va voir, justement, on va aller voir cette expérience comme si on y était, sans DeLorean ni voyage dans le temps, mais grâce à Céline Lezen. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Voilà, quand il y a une expérience historique à refaire, vous êtes la première à vous remettre sur la paillasse et vous êtes allée refaire cette expérience d'Oersted au Palais de la Découverte. Oui, avec Camille Fadel, qui est responsable du département physique du Palais de la Découverte. L'expérience en question paraît très simple en apparence, car elle mobilise finalement peu d'équipement. Il suffit d'un fil métallique relié à une pile et une boussole. Et avec juste ce dispositif, Oersted avait pu montrer le lien invisible entre l'électricité et le magnétisme. Ces deux phénomènes-là étaient pourtant bien connus, mais de manière indépendante. Et aucune loi physique n'existait encore pour expliquer ce lien. Il fallait alors, pour un savant de l'époque comme Oersted, beaucoup d'imagination et sans doute un peu d'idéologie pour concevoir l'unité dans des manifestations très différentes. Nous sommes devant un dispositif qui est dans la salle électromagnétisme. Il s'agit d'un fil électrique enroulé un grand nombre de fois qui forme une bobine. Les spires ne sont pas jointives, c'est-à-dire que chaque spire ne touche pas la suivante. Il y a quelque chose comme 2-3 cm qui sépare chaque spire de la suivante. Et on a fait ça pour qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur de la bobine. La bobine elle-même, elle fait peut-être 15 cm de diamètre. Et alors l'intérieur, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis des boussoles. parce qu'on veut savoir ce qui se passe à l'intérieur de la boussole lorsque le fil est parcouru par un courant. Alors si on se replace en 1820, Hersted, qui avait déjà l'intuition d'un lien possible entre magnétisme et électricité, il met en place une expérience avec ce même dispositif, entre guillemets. Ça faisait déjà peut-être 7-8 ans, peut-être un peu moins, que Hersted cherchait à établir un lien entre l'électricité et le magnétisme. Il l'établissait, à l'époque on avait des piles, hein. La pile avait été inventée vers 1800 par Volta. Et on savait que quand on branche les deux extrémités d'un fil électrique, donc un fil métallique à une pile, il se passe quelque chose dans le fil, parce que par exemple le fil s'échauffe, ou on avait fait des réactions chimiques avec. Et on pense que ce que produit la pile, on ne sait pas du tout ce que c'est. On imaginait un fluide en écoulement dans le fil, c'est ce qu'on appelait un courant. Hersted pense qu'il doit y avoir un lien entre ce phénomène électrique et le magnétisme. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il tente de faire dévier une aiguille de boussole grâce à un fil qui parcourt un courant. Sauf qu'il s'y prend mal. Pourquoi ? Parce qu'il pense que cette influence magnétique va s'exercer à travers un effet thermique. Un effet Joule. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il cherche, c'est qu'il veut que le fil s'échauffe, parce qu'il pense que peut-être qu'en s'échauffant, il y a quelque chose qui va se dégager du fil chaud. Et donc, il prend des fils fins. Mais si on prend un fil fin, l'intensité du courant est faible et le champ magnétique qui accompagne le courant est également faible. Mais je crois que quelques mois après, il réplique l'expérience avec des fils plus épais. Voilà, progressivement, il prend des fils de plus en plus épais jusqu'à ce que, en 1820, je crois que c'était en avril 1820, il découvre, pendant qu'il donnait un cours, donc c'était sans doute un peu inattendu même de sa part, il constate qu'effectivement, une aiguille de boussole placée non loin du fil dévie. Et ça, c'est l'acte de naissance, on peut dire, de l'électromagnétisme. Mais ensuite, Hersted lui-même ne s'intéresse pas tellement au phénomène, c'est surtout Ampère qui prend la relève. Alors, on se remet en contexte, en pratique. Voilà, on a donc les aiguilles des boussoles placées au voisinage du fil électrique enroulé. Et donc, si on se met dans la tête d'Hersted et qu'on actionne ici le bouton, on n'a pas de pile. Si on établit le courant, on espère voir ces 8 boussoles s'orienter différemment. Mais alors chez nous, il faut dire que le fil est très gros, peut-être 5 mm d'épaisseur. C'est un courant assez intense qui va parcourir les fils. Et en plus, on a un grand nombre d'enroulements. Plus il y a d'enroulements et mieux c'est. Ça, ce sont des choses. Amplifie l'effet. Voilà. Et là, on a quelque chose comme une dizaine d'enroulements d'un gros fil. L'intensité est élevée. Et voilà, j'y vais. J'établis le courant. 1, 2 et 3. Voilà. On voit parfaitement toutes ces aiguilles qui s'alignent, mais pas du tout par rapport au champ terrestre, mais se mettent parallèles à l'axe de la bobine. Puisque le champ magnétique à l'intérieur de la bobine est parallèle à son axe. Alors Hersted constate donc ce lien entre électricité et magnétisme, mais quelle interprétation il en donne ? Je crois qu'au départ, il continue de croire qu'en fait, ça passe par un effet thermique, par une élévation de température du fil. Pendant un certain temps, on pense que c'est le fil lui-même qui s'aimante, ce qui n'est pas le cas, c'est pas le fil qui s'aimante. On pense que ce sont peut-être des mouvements de convection thermique, parle de l'air qui s'est échauffé, etc. Et je veux dire, c'est pas si simple que ça quand on observe le phénomène. Ensuite, comment peut-on l'interpréter ? Quel est le lien qui s'effectue entre le courant électrique d'une part et finalement à distance entre les boussoles qui sont à quelques centimètres du fil ? Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Eh bien, il faut introduire une nouvelle grandeur, le champ magnétique qui est quelque chose d'abstrait parce que on ne voit pas le champ magnétique. À la suite d'Hersted, il y a Ampère qui va se saisir de cette expérience et en donner une explication. Oui, Hersted, il me semble que c'est au mois d'avril qu'il fait la découverte. Il publie ses résultats durant l'été, peut-être en juillet, quelque chose comme ça. Et à partir du mois de septembre, donc là, nous sommes en septembre, ça fait vraiment 200 ans, Ampère prend la chose en main et étudie théoriquement la chose. Et c'est lui qui établit véritablement la théorie de l'électromagnétisme. Oersted lui-même, il se désintéresse du sujet. Il ne se penche pas trop sur l'affaire. Il fait la découverte et pour lui, l'affaire est réglée. Il passe à autre chose. Voilà, l'expérience d'Oersted comme si vous y étiez avec Céline Dezen et le palais de la découverte, peut-être une réaction, Christine Blondel, où on avance effectivement une fois qu'il a ses résultats, Oersted s'arrête, il pousse pas plus loin, il ne cherche pas vraiment à formaliser ce que d'autres vont faire après lui, comme on vient de l'entendre. Alors il faut dire qu'Ampère a été d'une fulgurance étonnante, puisque la démonstration à l'Académie, enfin plutôt, Arago décrit l'expérience le 4 septembre à l'Académie et personne n'y croit. On dit c'est comme les pierres tombées du ciel, c'est des histoires racontées, c'est pas possible. Il faut qu'il revienne le 11 septembre, lundi suivant, pour refaire l'expérience, pour que les membres de l'Académie des sciences comprennent comment se fait l'expérience, comment dévie la boussole. Et ça a été en une dizaine de semaines, toutes les semaines, Ampère va publier un mémoire, lire un mémoire à l'Académie des sciences. Et sa réaction, ça va être... En fait, cette fulgurance, on peut l'expliquer pour partie par un rêve de jeunesse. Oui. En 1801, quand il avait 25 ans, il avait essayé lui-même d'unifier l'électricité et le magnétisme via la mécanique. Il n'y était pas parvenu. Par quel biais ? Dans un mémoire qui était pour un prix proposé par Napoléon, le prix du galvanisme. Donc, une autre forme d'électricité. Voilà, et il a commencé un mémoire, on en a des traces manuscrites aux archives de l'Académie. On entend par galvanisme l'électricité qui passe justement musculaire. Par la pile. Par la pile, ou dans les animaux, dans les êtres vivants, ce qui est encore une autre unification. Et donc, comme il n'y était pas arrivé, il dit il ne manque plus qu'un génie capable d'y appliquer le calcul des mathématiques modernes. Et 15 ans plus tard, évidemment, il se précipite sur ce rêve de jeunesse. Et maintenant, il a les outils mathématiques, puisqu'il est devenu professeur de mathématiques à l'École polytechnique. Il est membre de l'Académie des sciences, c'est un savant reconnu. Il a passé 30 ans, les 30 premières années de sa vie à Lyon, dans un contexte complètement différent. Autodidacte, justement en contact avec la philosophie de la nature allemande, avec des choses qui sentent un peu le soufre, comme le magnétisme animal, l'électricité médicale, des choses comme ça, qui s'intéressent énormément dans sa jeunesse à toutes ces questions qui ne sont absolument pas présentes dans le milieu de l'Académie des sciences, ou très peu présentes. Et donc, il connaissait très bien Oersted aussi, il l'avait vu en 1813, il connaissait ses premières expériences, donc il était beaucoup plus proche, paradoxalement, intellectuellement, d'Oersted que dans Laplace, même s'il maîtrisait les outils mathématiques, le potentiel, etc., exactement comme Laplace ou Poisson. Et donc, il se précipite, et son idée, ça va être de dire que si l'aiguille dévie sous l'action du fil, ça n'est pas comme l'essentiel des autres physiciens pensent, que le fil se magnétise, devient rempli de petits aimants, c'est qu'à l'intérieur de l'aimant, il y a des petits circuits électriques. Personne n'a fait cette hypothèse-là. Et pour expliquer le magnétisme terrestre, qui est aussi un effet magnétique, il fait l'hypothèse que cette fois, il y a d'énormes courants à l'intérieur du globe terrestre. Donc ça va être son hypothèse fondamentale. L'interaction, tous les phénomènes doivent s'expliquer par l'interaction entre des courants. Et il va décrire des expériences. Il les a même pas encore montées. Le 11 septembre, il les décrit. Il dit, je vais faire telle expérience. Et il les montre, les expériences, le 18, la semaine suivante. C'est-à-dire des circuits en forme de spirale qui s'attirent et qui se repoussent suivant le sens du courant. Donc il reproduit avec des petites spirales plates l'effet des aimants, des pôles d'aimants qui se repoussent ou s'attirent. Et après, il va développer toute sa théorie à partir de ça. Le problème étant de trouver quelle est la loi de force entre deux éléments de courant pour pouvoir calculer toutes les interactions entre aimant et courant, et entre courants. Donc ça va être l'aboutissement de son travail, une formule unique, qui a l'air newtonienne, puisqu'elle est en 1 sur R2, comme la force de la gravitation, comme la force du magnétisme de Coulomb, comme la force de l'électricité de Coulomb, l'électrostatique. Donc elle a l'air newtonienne. Bon, au numérateur, c'est beaucoup plus compliqué, il y a des angles, parce que ça dépend de la position des éléments de courant, mais elle reste quand même dans un cadre newtonien. Et surtout, ce qui est très important, c'est que c'est une force instantanée à distance. Alors que lui, dans ses lettres, il écrit « Je suis convaincu que les phénomènes ne peuvent s'expliquer que par une propagation de proche en proche dans le milieu qui remplit. » Il était absurde, comme Newton d'ailleurs. Newton, c'est pareil. Hein. Et comme Faraday, lui-même était aussi convaincu. Mais il n'avait pas les outils mathématiques pour développer cette approche. Donc c'était un peu, je pourrais dire schizophrénique, c'est pas très correct, mais déchiré entre deux interprétations contradictoires. Un peu dissonant, pour voilà. pour utiliser un autre terme. Marc Lachaiserey, Ampère, donc, va pas aller, comme vient de l'expliquer Christine Blondel, tout à fait au bout encore de ce formalisme complet, de cette unification de l'électromagnétisme. Il faut rajouter ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire les travaux de Faraday qui va faire une sorte d'expérience d'Oersted inversée. Et après cela, la puissance formalisatrice, pour le coup, d'un Maxwell pour réussir à tout mettre sous forme d'une sorte d'équation que l'on peut lire effectivement équilibrée et qui va attester, finaliser, terminer cette unification de l'électromagnétisme. Oui, alors évidemment, dans les équations de Maxwell, on voit très bien que la partie magnétique et la partie électrique jouent des rôles je dirais complémentaires et qu'ils s'influencent l'un l'autre, ce qui est la manière de décrire les expériences d'Oersted et de Faraday. Mais il y aura davantage déjà chez Maxwell, puisque il va reconnaître que cette interaction électromagnétique se propage à la vitesse de la lumière, et donc il va finalement déclarer que la lumière est une onde électromagnétique. Et ça, on peut le considérer également comme une autre unification, l'unification de la lumière et des phénomènes électriques et magnétiques qui viennent d'être unifiés. C'est quelque chose d'extrêmement puissant et c'est l'amorce de nouvelles unifications qui seront celles qui se produiront au XXe siècle, avec d'une part la physique quantique et d'autre part les théories de la relativité, où l'on va voir que les phénomènes se propagent toujours. Et finalement, on verra aussi que, avec la relativité d'Einstein, on verra ça un peu plus tard, on verra que la gravitation elle-même se propage. Elle se propage évidemment sous forme d'ondes, mais lorsque le Soleil agit gravitationnellement sur la Terre, en fait, en déformant l'espace-temps, cette déformation se propage. On ne s'en rend pas compte parce que ça ne varie pas d'une manière suffisamment rapide pour que on puisse s'en apercevoir, mais on s'en aperçoit dans le phénomène des ondes gravitationnelles. Donc il y a quand même des analogies sans arrêt entre la gravitation, l'électricité, le magnétisme, la propagation des ondes, et tout ceci évidemment va jouer un très grand rôle dans les unifications, qu'elles soient réelles ou que ce soit seulement des tentatives qui n'aboutissent pas. Il y a cette citation de d'Étienne Klein dans l'Unité de la physique qui dit, c'est au PUF, sans doute fut-il aussi inspiré par la notion d'harmonie. C'est en effet pour rendre ces équations plus symétriques qu'il y introduisit un terme supplémentaire qui se révéla être la véritable clé de cette unification. En parlant de Maxwell, ça vous évoque quelque chose, Christine Mondel? L'unité, la recherche de l'unité. De l'harmonie, finalement. De l'harmonie, cette, oui. Pour Maxwell, c'était plus une harmonie, une unité via les mathématiques. Pour Ampère, c'était plus... Et on peut citer aussi son ami Fresnel, qui a mis en place... Et Fresnel était un ami d'Ampère, ils habitaient dans la même maison, ils jouaient aux échecs ensemble. Enfin, et Fresnel a mis en place la théorie ondulatoire de la lumière, qui était une révolution aussi à l'époque. Il a eu du mal à convaincre, pareil, les académiciens, parce que c'était renoncer à une théorie corpusculaire au profit de la théorie ondulatoire de la lumière. Et c'est pour cela qu'Ampère, il a imaginé qu'il y avait un éther, un fluide subtil, sans masse, qui remplissait l'espace, et qui était le support des vibrations lumineuses. Et cet éther va subsister jusque Maxwell, et même encore largement au-delà. Et Ampère a essayé lui-même d'utiliser cet éther pour expliquer non seulement l'électromagnétisme, mais aussi la propagation de la chaleur. Donc cette quête de l'unité, en fait, on la voit chez Ampère, qui, comme chez Oersted, cherche à s'exprimer dans tous les domaines de la physique. Et il y en a un seul où ça a réussi, c'est l'électromagnétisme. Mais la volonté, ah bah quand même, ouais. Hein, Newton a, bon, la formule d'Ampère est reprise dans les équations de Maxwell, on la retrouve dans les équations de Maxwell. Et puis surtout, ça a permis le développement de l'électromagnétisme, après, du point de vue technique, du télégraphe, etc. Enfin, toute l'électrotechnique, le début de l'électrotechnique, et de l'étude des courants surtout. Marc Lachaiserey, sur cette notion d'harmonie ou d'élégance mathématique qui finalement va conduire Maxwell à terminer de la finalisation de ce formalisme unificateur. Oui, bien sûr, c'est un facteur qui est très présent chez la plupart des physiciens, qui pousse vraiment dans certaines directions, celle de rechercher des lois qui sont les plus harmoniques possibles, harmonieuses possibles, les plus belles possibles. C'était quelque chose sur lequel Einstein s'est exprimé également, Dirac également, qui, je crois, a déclaré « Je préfère des équations fausses mais harmonieuses à des équations qui sont exactes. » Et en fait, dans son cas, ça s'est révélé tout à fait pertinent, puisqu'il a découvert les équations fondamentales de la théorie quantique des champs, sans savoir que ça allait être ça. Et finalement, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, c'est que ça prédisait l'existence de particules d'énergie négative, qui paraissaient quelque chose de tout à fait impossible à concilier avec la physique de l'époque. Et quelques années plus tard, on a découvert l'antimatière, ce qui fait que son équation, qui était très harmonieuse mais fausse lorsqu'il l'a énoncée, s'est révélée une équation prémonitoire, une équation exacte, puisqu'elle prédisait l'existence des antiparticules qui ont été découvertes quelques années plus tard. Donc, cette idée d'harmonie, alors là c'est pareil, on pourrait la faire remonter et de manière extrêmement visible chez tous les Grecs, en fait, chez tous les philosophes de la nature grecque et dans toute l'histoire de la physique, que ce soit Kepler qui en a été un des plus grands partisans, puisque un de ses livres s'appelle L'harmonie du monde, mais on la voit chez Newton, on la voit chez Galilée, on la voit chez Maxwell, on la verra chez Einstein, on la verra chez les protagonistes de la physique quantique, et c'est quelque chose qui est toujours présent, c'est-à-dire on essaye de décrire les lois qui vont s'appliquer en physique par des équations mathématiques qui ont un caractère harmonieux. C'est pas des équations qui sont moches. Et dans celle de Maxwell, il y a une symétrie qui donc est une manifestation de l'harmonie, mais qui n'est pas tout à fait complète parce qu'il y a des sources électriques, il y a des particules qui portent des charges électriques, comme l'électron ou le proton par exemple, mais il n'y a pas de source magnétique, et évidemment, c'était tout à fait tentant de rajouter des sources magnétiques qu'on aurait appelées des monopôles magnétiques, et l'histoire des monopôles magnétiques, depuis à peu près Maxwell ou un peu plus tard, jusqu'à aujourd'hui, ben, c'est une histoire assez intéressante. C'est quelque chose dont on pense que ça n'existe pas, et en tout cas on n'en a jamais trouvé, mais s'ils avaient existé, ça aurait, comment dire, augmenté la symétrie et donc l'harmonie des équations. Mmh. Donc, c'était quelque chose de tentant de supposer que ces monopôles magnétiques pouvaient exister. Et on va voir que Maxwell et avec lui Oersted, Ampère et Faraday ouvrent la voie plus généralement. On pourrait dire que ils sont sur le seuil et qu'ils ouvrent grand la porte de la physique contemporaine et donc de ce grand mouvement d'unification qui va porter les plus grands noms de la physique du XXe siècle. Toi tu me fais l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Hier encore j'étais comme vous et moi, un citoyen parfaitement normal. Et puis voilà qu'un soir, j'entends des voix, c'est toujours comme ça qu'on tourne mal. Tu disais, allons n'insiste pas. Mais faut pas me le dire deux fois, car voilà, toi tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Non. Oui, fais-moi de l'électricité, c'était un choix à point pour cette émission. Joe Dassin à 16h43, tout arrive sur France Culture. Nous parlons d'électricité, plus généralement d'électromagnétisme et du grand mouvement d'unification des forces qui va pousser et qui va porter surtout la physique contemporaine. Nous en parlons avec Christine Blondel qui est chercheuse CNRS en histoire des sciences au centre Alexandre Coiré et Marc Lachaiseret qui est directeur de recherche CNRS en astroparticules et cosmologie à l'université de Paris. On le disait, hein, cette unification, on l'a dit dans la la première partie, elle est portée par une conception des sciences qui est encore une conception qui n'est pas une, comment dire, qui continue à mêler encore de la philosophie, c'est-à-dire qui est vraiment une conception unificatrice de la pensée, à tel point que j'ai vu qu'en 1912, 32 scientifiques, dont Freud et Einstein, corédigent un manifeste, Laufruf, alors je ne suis pas germanophone, vous me corrigerez si c'est pas comme ça que se prononce, qui a pour ambition de rassembler tous les domaines de la science dans une association organique, élaborer partout des idées unifiantes et progresser vers une conception globale et non contradictoire. Oh, bah vous m'apprenez quelque chose, c'est très bien. Mais c'est l'époque, la fin du 19e, c'est aussi l'époque où les scientifiques se réunissent en association internationale et cherchent justement à... La science devient de plus en plus professionnelle et où ils se rencontrent et ils essayent justement d'élaborer aussi des ponts entre les différentes disciplines. Donc il y a aussi cette... C'est un autre aspect. Hein. Là, je pense que c'est moins un aspect philosophique qu'un aspect plus sociologique. Bien sûr. Entre les savants. Mais c'est aussi très important. Voilà. Mais ça témoigne d'une volonté ou d'une démarche de rassemblement. Voilà. Les académies internationales, on fait des bibliographies internationales de toutes les sciences, on a l'ambition de tout classifier, de faire d'énormes registres de toutes les sciences et de voir, par ce moyen-là, on n'est pas encore dans le big data, mais presque, de voir comment on peut créer des liens entre différentes sciences. Marc Lachaiseret, la suite, Christine Blondel disait tout à l'heure, finalement, l'électromagnétisme, c'est la seule grande unification. Vous partagez ce point de vue ou pas tout à fait? Alors, non, c'est une unification de, comment dire, de deux processus ou de deux phénomènes physiques, puisque l'électricité et le magnétisme séparément n'existent plus, mais sont deux facettes de l'électromagnétisme. Mais je crois qu'on peut analyser à la fois la physique quantique et la théorie de la relativité, qui sont les deux grandes révolutions scientifiques du début du XXe siècle, comme des unifications également. C'est-à-dire que la physique quantique, d'une certaine manière, va unifier deux concepts qui sont celui de particules et celui d'onde. Et vous savez qu'il y a un débat qui date depuis les philosophes de la nature grecs sur la nature de la lumière. Est-ce que la lumière est une onde ou un ensemble de petites particules, comme le pensait par exemple Newton? Et il y a dans l'histoire de la physique des revirements et des controverses sur ces questions. Et finalement, la physique quantique va résoudre cette question en disant: eh bien non, les concepts d'ondes et de particules ne s'appliquent pas à la matière. Il y a un nouveau concept qui est celui, finalement, qu'on peut dire d'état quantique ou de fonction d'onde. J'aime pas beaucoup dire fonction d'onde parce que ça fait penser à l'onde classique, alors que ce que dit la physique quantique, c'est que la nature profonde de la matière, c'est ni une onde, ni une particule, et que c'est un petit peu comme tout à l'heure, cette matière, tantôt on la voit comme une onde, tantôt on la voit comme particule, mais sa vraie nature, c'est quelque chose de nouveau. Et on a la même caractéristique que pour l'électromagnétisme, c'est-à-dire l'électricité comme discipline séparée et le magnétisme comme discipline séparée disparaissent au profit de l'électromagnétisme. La notion ici de particule et la notion d'onde classique disparaissent au profit de cette notion d'état quantique, fonction d'onde quantique. Pour la relativité, ça sera un petit peu pareil avec l'espace et le temps. C'est-à-dire que dans les théories relativistes, il n'y a plus d'espace et de temps, sauf du point de vue d'un observateur très local, mais il y a une entité nouvelle qui s'appelle l'espace-temps, qui possède certaines des propriétés qu'avaient l'espace et le temps, que la physique d'avant accordait à l'espace et au temps, mais qui n'est pas simplement la réunion ou l'unification de l'espace et du temps comme on les voyait avant, qui est quelque chose d'entièrement nouveau. Et non seulement la relativité, la théorie d'Einstein, nous dit cela, mais elle nous explique pourquoi nous avons l'impression de voir de l'espace et du temps dans cet espace-temps. De la même manière que quand on voit par exemple un objet, un disque, eh bien, si on le voit par la tranche, on verra un objet totalement longiligne, et si on le voit de face, on verra un objet circulaire. Donc, dans ces deux cas, je crois qu'on peut parler d'une unification, une unification très forte et conceptuelle. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse à propos de Newton, parce que on parlait de la possibilité d'une unification chez Newton. Et en fait, il y a une très grande analogie entre l'introduction de l'espace par Newton et l'introduction de l'espace-temps par Einstein. Bon, en fait, historiquement, c'est plutôt Minkowski qui a introduit l'espace-temps que Einstein, mais aujourd'hui, on interprète la relativité en termes d'espace-temps. Parce que ce qu'a fait Newton, c'est que lui, finalement, cette notion d'espace euclidien à trois dimensions, qui est isotrope, c'est-à-dire identique dans toutes les directions, alors qu'avant, puisqu'on n'avait pas identifié la gravitation comme une interaction à part, on était obligé de distinguer l'horizontale et la verticale. Mmh. Et donc, la grande innovation de Newton, c'est de dire non, la nature n'est pas structurée en horizontale et en verticale, elle est structurée dans un espace isotrope où toutes les directions sont équivalentes, et c'est quelque chose d'autre, quelque chose que j'introduis, qui est la gravitation, qui va nous donner l'impression locale qu'il y a des dimensions horizontales qui se distinguent des dimensions verticales. Et puis aujourd'hui, avec la navette spatiale et les sondes spatiales, on voit bien que l'espace est effectivement isotrope, comme le disait Newton. Et ce que fait Einstein, c'est exactement la même chose, et c'est de nous dire non, il n'y a pas un espace et un temps séparés qu'on peut identifier de manière objective, mais il y a un espace-temps, et dans cet espace-temps, eh bien, à cause de la position que nous occupons dans cet espace-temps et à cause de notre cinématique dans l'espace-temps, nous avons tendance à le voir séparé en quelque chose qui s'appelle le temps et en quelque chose que nous appelons l'espace. Mmh. Mais voilà, j'insiste sur cette idée que ce sont des unifications. Et bien sûr, il y aura ensuite toutes les tentatives d'unification des forces ou d'unification des interactions, et c'est souvent à cela que l'on se réfère quand on parle d'unification dans la physique. Mais à mon avis, ce ne sont pas... Alors d'abord, on peut dire c'est un échec, puisque déjà Einstein, il y a à peu près un siècle, émettait le désir d'unifier la gravitation qu'il décrivait par la relativité générale et l'électromagnétisme qu'on commençait tout juste à décrire d'une manière quantique. À l'époque, on ne parlait pas encore des interactions nucléaires. Et donc, Einstein a émis ce vœu d'unifier, on ne savait pas encore trop ce que ça pouvait vouloir dire, la gravitation et l'électromagnétisme. Et les physiciens, depuis Einstein, poursuivent ce programme qu'il a initié en n'ajoutant au contrat la volonté d'unifier aussi les interactions nucléaires fortes et les interactions nucléaires faibles. Bon, et il faut bien se rendre compte que ce programme n'a pas été accompli, qu'il a sous-tendu de manière absolument prégnante toutes les recherches en physique théorique et que ça continue aujourd'hui. On peut parler des théories de grande unification, des théories de jauge, des tentatives de théorie des cordes, des tentatives de gravité quantique, etc. etc. Alors, il y a, peut-on dire, et on lit souvent, qu'il y a une unification partielle, qui est l'unification de l'électromagnétisme et l'unification des forces nucléaires faibles, dans une théorie globale qu'on appelle la théorie électrofaible. Mais pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement différent. Ça n'est pas vraiment une unification dans la physique, mais c'est plutôt une unification de nos descriptions. C'est-à-dire qu'on arrive à décrire les interactions électromagnétiques qu'on connaît depuis longtemps, mais qu'on décrit maintenant de manière quantique, et les interactions nucléaires faibles, qui sont responsables, par exemple, de la désintégration bêta, dans une seule théorie qu'on appelle théorie électrofaible, et on s'aperçoit que les phénomènes décrits par cette théorie électrofaible nous apparaissent tantôt comme des phénomènes électromagnétiques, tantôt comme des phénomènes d'interaction faible. Avec l'idée que dans un passé très lointain de l'univers, je parle des premières secondes, ces théories n'en étaient qu'une, c'est-à-dire que il n'était pas possible dans cet univers, s'il y avait eu un observateur dans ses premières secondes après le Big Bang, s'il y avait eu un observateur, il n'aurait pas été capable de distinguer les phénomènes électromagnétiques des phénomènes d'interaction faible. Un mot peut-être tout de même, Marc Lachaiserie ou Christine Monin, je ne sais pas qui veut répondre. Aujourd'hui, on comprend bien cette volonté que vous venez de décrire, Marc Lachaiserie, depuis Einstein, de tenter d'aboutir à cette théorie du tout, à cette quantification de la gravité. Mais puisqu'on se casse les dents depuis un siècle dessus, pourquoi insister ? Pourquoi est-ce que finalement on ne pourrait pas vivre dans ce monde avec cette physique qui nous dit que la gravitation est impossible à quantifier, Christine Mandel ? Moi, ça ne me gênerait pas particulièrement. Mais je voudrais rebondir là-dessus avec une phrase de Maxwell que je trouve intéressante, justement parce que lui qui a fait cette grande unification, par ailleurs, il a écrit, je le cite, « C'est une bonne chose en physique que d'avoir deux manières de regarder un sujet et d'admettre qu'il y a deux manières de regarder le sujet. » C'est-à-dire, lui, il parlait plutôt, enfin, pas encore de la dualité onde-corpuscule dont a parlé Marc Lachaiserie, mais cette idée que, en fait, peut-être que c'est un cul-de-sac, ce rêve d'unification. En fait, c'est des modèles, et ces modèles ne sont jamais complets, au sens philosophique du terme. Et donc, peut-être qu'on sent, alors, et d'autres, même Feynman disait la même chose, et pourtant Feynman, c'est un siècle après Maxwell, quasiment, et il disait la même chose. Il y a deux manières d'interpréter les choses. Il peut y en avoir plusieurs. Et on aime, alors on peut ne pas aimer l'action à distance, il le dit comme ça, on aime ou on n'aime pas. Mais ce qui compte, et ça je pense qu'un physicien serait d'accord avec moi, ce qui compte aussi c'est l'heuristique, le pouvoir de cette théorie d'entraîner de nouvelles connaissances. Et ça, il n'y a pas forcément égalité entre les deux manières de voir les choses. Et ce qui est quand même gagne, in fine, c'est la théorie qui a le pouvoir de faire soit de nouvelles expériences, soit de nouvelles théories, soit de nouvelles traditions, de créer du savoir, in fine de créer un nouveau savoir. Et ça, c'est un critère solide. Marc Lachaiserie, pour conclure, il ne reste pas beaucoup, il reste 1 minute 30 à peu près, mais là-dessus, est-ce qu'il faut abdiquer cette volonté de quantifier la gravitation ? Est-ce qu'on n'a pas encore les moyens technologiques, le logiciel suffisant, pour parler un peu vulgairement, pour réussir à craquer ce mystère ou cette ultime unification ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, d'abord, il faut dire que unifier la physique quantique et la gravité, c'est pas forcément quantifier la gravitation. Ça peut être autre chose, ça peut être trouver une autre théorie plus globale dont certains aspects vont ressembler à la relativité, d'autres à la physique quantique. Mais la motivation pour ça, on y est quasiment obligé parce que la physique quantique d'un côté et la physique relativiste de l'autre impliquent des conceptions du monde qui sont irréconciliables. Pour le dire d'une manière très simple, en physique quantique, vous n'avez pas de particules localisées, alors qu'en relativité, la matière est localisée à un endroit bien précis et elle va courber l'espace-temps à cet endroit bien précis. Donc, vous aviez de la matière qui n'est pas localisée, comme le dit la physique quantique, je parle d'une manière un peu imagée, ça voudrait dire que la déformation de l'espace-temps n'est pas localisée non plus, et ça, on ne sait pas le gérer. Autrement dit, on ne sait pas comment agit la matière quantique dans un espace-temps qui est courbe. Et réciproquement, il y a des notions de temps et d'espace qui, comme je l'ai dit, n'existent plus vraiment en relativité, alors qu'on ne sait pas faire de la physique quantique si les notions de temps et d'espace ne sont pas définies. Donc, on sait faire de la physique quantique dans l'espace-temps de Minkowski, qui est très simple parce qu'il n'a pas de courbure, mais on ne sait pas généraliser à l'espace-temps réel qui est déformé par toute la matière qu'il y a dedans, ce qui lui confère une courbure. On ne sait pas faire de la physique quantique dans l'espace-temps courbe, et on ne sait pas faire de la physique quantique. Enfin, si vous voulez, la physique quantique nie ce que dit la relativité, et la relativité nie ce que dit la physique quantique. Et je suis obligé de vous arrêter là, Marc Lachaiserie, parce qu'on arrive au bout de l'émission, mais figurez-vous qu'on va revenir sur cette question, parce que dans quelques jours, peut-être pas la semaine prochaine, mais je crois la semaine d'après, nous allons consacrer une heure entière à ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde, c'est-à-dire comment est-ce que précisément, à un moment donné, ce sont les lois de la mécanique quantique qui s'appliquent, et pourquoi est-ce que d'un seul coup, quand on augmente en échelle, on passe à la relativité, quel est ce seuil qui fait que d'un seul coup, les lois de la physique changent. En tout cas, merci beaucoup l'un et l'autre d'être venus nous de parler de l'expérience d'Hersted et de l'unification. C'était vraiment passionnant. Merci Christine Blondel, merci Marc Lachaiseret. On peut vous lire avec Étienne Klein dans cet ouvrage La quête de l'unité chez Albin Michel ou en poche au livre de poche. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'est Anthony Thomasson aujourd'hui à la technique. Demain, c'est un vendredi fiction, alors que d'aucuns pensent que notre réalité se métamorphose petit à petit en dystopie, et notamment cette année 2020. Qu'ont donc les auteurs de science-fiction à nous dire sur le futur de notre planète lorsque science et SF s'allient pour imaginer demain? Ça donne le recueil Nos Futurs, dans lequel écrit Catherine Dufour, qui fait aussi une rentrée littéraire en fanfare. Nos Futurs et Catherine Dufour demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.